Il est midi 55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 12 septembre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition de cette mi-journée. La distinction des postes politiques et techniques non des indicateurs de la bonne gouvernance, rappelle Faustin Dikoumana, économiste, vous l'entendrez. Les commerçants du marché de Mouzinda en commune Rougazi dans la province de Boubanza se plaignent d'être victimes de vols répétitifs commis par des enfants et qui ne sont jamais sanctionnés. Notre correspondance Pescaritas Cabagnana sera en ligne pour les détails. Et les responsables de la santé à Karouzi disent, expriment leur inquiétude par rapport à la diminution des effectifs des personnes sur méthode contraceptive. Vous l'entendrez, voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le respect de la séparation des fonctions des postes politiques et des postes techniques dans le recrutement, c'est l'un des indicateurs de la bonne gouvernance dans un pays. Et c'est l'avis de Faustin Dikoumana, expert indépendant en matière économique. Selon lui, cela a pour effet la stabilité politique. Le principe de séparation des postes politiques des postes techniques est le fondement de la bonne gouvernance, du développement économique et de la stabilité politique. Et d'abord, au Burundi, nous avons une loi qui est assez claire, qui sépare les postes politiques des postes techniques. Cette loi a l'avantage d'abord d'assurer l'égalité des Burundais devant la loi et aussi l'égalité des chances devant l'administration. Je crois que le gouvernement devait faire un effort pour appliquer cette loi. Et d'abord, quels sont les postes politiques aujourd'hui? Les postes politiques sont des postes pour lesquels on nomme déjà à partir des décrets, à partir du militantisme, des opinions politiques, alors que les postes techniques, on nomme des personnalités à partir du mérite et de la capacité technique et de par leur formation. Par exemple, là, le ministre et son assistant sont les seuls postes politiques. Le reste, ce sont des postes techniques. Les directeurs des entreprises parapubliques publiques sont des postes techniques. Donc, il faut vraiment s'attirer à séparer les postes politiques et les postes techniques. Selon toujours Faustin Dikoumana, le non-respect de ce principe, conduit à la corruption généralisée. Si on ne le fait pas, quelles sont les conséquences? Il y a d'abord eu une perte double, d'abord liée à l'incapacité des fois des gens qui sont nommés dans des postes de responsabilité. Et alors, on perd d'abord au niveau du salaire dont il bénéficie alors qu'il n'a pas de capacité technique pour s'acquitter de la mission qui lui est assignée, surtout au niveau du rendement de son travail. Et on assiste des cas où beaucoup de pléthores dans l'administration, dans les entreprises publiques, parce que on commence à recruter massivement suite aux critères politiques, c'est-à-dire qu'on est en train de remercier les militants. Et il y a l'impunité de voix qui s'est introduite. Les gens qui sont nommés sur des postes politiques considèrent le parti politique comme le bouclier protecteur. Il y a les cas de corruption impunis qui tendent à se généraliser. Je crois vraiment que pour un meilleur rendement des entreprises publiques, de l'administration, il faut vraiment une séparation des postes politiques et des postes techniques. Parce que des fois, des entreprises sont mal gérées, tendent à fermer, à licencier les parts de leur personnel suite des fois à l'incompétence de leur direction et des grèves qui sont signalées ici la suite à l'incompétence de leur direction. Et aussi, dans les administrations, on peut assister à l'incapacité d'élaboration des projets ou bien de suivi, d'élaboration des documents et des rapports. Donc, j'imagine que la séparation des postes politiques et des postes techniques est le fondement même d'un gouvernement responsable. Au niveau aussi de la transparence dans le recrutement, il faut redynamiser la Commission nationale de recrutement, faire la publicité des postes à pouvoir élaborer un plan de recrutement pour que les fils et filles de cette nation puissent bénéficier de l'égalité des chances à l'accès à l'emploi. Faustin Dikoumana, économiste. Les commerçants du marché de Mouzinda en commune Rougazi, dans la province de Boubanza, se plaignent d'être victimes de vols répétitifs commis par des enfants et qui ne sont jamais sanctionnés. Ces enfants qui viennent en équipe volent des téléphones, de l'argent et toute autre chose qu'ils rencontrent sur le marché. Les autorités provinciales, administratives et policières disent être au courant de ce problème et promettent d'identifier et sanctionner les adultes qui collaborent avec ces enfants dans ces forfaits. Space Caritas Kavanyana. Certains commerçants du marché de Muzinda menacent de se faire justice si rien n'est fait pour résoudre ce problème. Ils disent que quand ils attrapent ces enfants en train de voler, ils ne reçoivent aucune sanction et continuent à faire la même chose comme si rien n'était. Et selon les enquêtes des administratifs locaux, la plupart de ces enfants viennent du village de Pédomuyang en commune Bubanza et font le trajet à pied ou par véhicule jusqu'au marché de Muzinda. Selon les témoins sur place, ils volent de l'argent, du matériel comme les casseroles, les assiettes, les verres, des vivres comme le haricot, le riz et autres. Au marché de Moussegni, en commune Manda, c'est le même scénario. Les administratifs ne cessent de le déclarer dans toutes les réunions de sécurité. Les commerçants demandent qu'il y ait une solution et que le marché ne soit plus perturbé par ces enfants, souvent âgés de 8 à 15 ans. Les autorités administratives et les forces de l'ordre reconnaissent les faits et précise que ces enfants collaborent avec des personnes adultes qu'il faut à tout prix chercher et sanctionner conformément à la loi. Gaspard Mourikiye, conseiller social du gouverneur de Bubanza, précise que ces enfants n'ont pas encore l'âge d'être poursuivis en justice. Il appelle les parents à renforcer l'éducation et l'encadrement de leurs enfants. Space Caritas Kavanyana à Muzinda, en commune Rugazi, pour la radio Isanganiro. Et les responsables de la santé à Karusi expriment leur inquiétude par rapport à la diminution des effectifs des personnes sur méthode contraceptive. Le médecin provincial demande à tous les leaders de la communauté de Karusi, les administratifs, les responsables des églises et les associations de redoubler plus d'efforts pour la sensibilisation de la population. Blaise Pascal Kararoumi. 55 516 femmes et filles et l'effectif de celles qui se sont rendues aux différentes structures de santé de la province de Karusi et sont sur des MPR comme méthode contraceptive, méthode appelée communément Urushinge en Kirundi, et cela dans les 12 mois passés. Les effectifs des statistiques du service de la santé reproductive du Bureau provincial de la santé de Karusi montrent que les méthodes des MPR Urushinge en Kirundi, pilile et stérile, sont les plus utilisés dans la province sanitaire de Karusi, et cela dans le même ordre, comme l'indique le responsable provincial de la santé reproductive. Gérard Niongabo déplore qu'il se remarque actuellement une diminution progressive des personnes qui se rendent chercher ces méthodes de contraception durant les 6 mois passés de 2020. Dans une réunion de ce vendredi, une réunion organisée par le Bureau provincial de la santé en collaboration avec l'ONG Memisa Belgique, il a expliqué à l'intention des responsables de l'administration provinciale et des administrateurs communaux, les responsables des églises et des associations à base communautaire œuvrant dans la province Karusi et les techniciens de promotion de santé, qu'il s'observe une diminution de 7200 personnes utilisant cette méthode contraceptive. Il signale que durant les 6 derniers mois de 2019, 31 359 étaient sur des MPA, mais qu'en 2020, on a seulement enregistré 24 157 personnes. Le médecin provincial Leonidas Nzisabira explique que cela fait suite aux différentes rumeurs qui sont véhiculées dans la population de Karusi, des rumeurs sur ces méthodes contraceptives. Il explique que c'est cela qui a fait qu'ils organisent cette réunion afin de voir ensemble ce qui peut être fait afin de dissiper ces rumeurs et pouvoir développer la santé de la population de Karusi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Kararoumié. Cap maintenant sur la province de Rumonge. Certains habitants de la sous-colline Kionza, à l'endroit communément appelé Gisegne, sur la colline Rutumo, en commune et province de Rumonge, tirent la sonnette d'alarme afin que la régie des eaux déplace ses poteaux électriques situés dans la zone inondée par les eaux du lac Tanganyika. Ces habitants craignent l'électrocution au cas où ces poteaux, dont certains commencent à s'incliner, venaient à s'écrouler avec de l'électricité dans les fils. Au niveau de la régie des eaux centre Rumonge, l'on informe qu'une descente y est prévue très prochainement pour arrêter des mesures conséquentes. Jean-Pierre Misako. Ces habitants qui tirent la sonnette d'alarme se souviennent encore du recroulement de ces poteaux électriques sur leur maison il y a de cela environ 5 mois. À ce moment, ces habitants croyaient qu'ils ne pourraient pas échapper à l'électrocution, comme l'exprime Athanasie Zeimana, ayant assisté à la scène. Selon cette femme, ces poteaux électriques actuellement dans une zone inondée par les eaux du lac Tanganyika constituent un danger public potentiel et devrait être déplacé avant qu'il ne soit tard. Même son de cloche, chef Frédéric Singivakira, chef de secteur Rutumo. Selon lui, ses habitants ont été sauvés par le fait que le courant électrique était coupé à ce moment. Il indique qu'il ne voit aucune autre alternative que celle de déplacer ses poteaux électriques actuellement dans les eaux du lac Tanganyika, car selon son chef collinaire, un poteau en bois ne peut pas tenir dans l'eau. Singivakira interpelle pour cela la régie des eaux. Au niveau de la régie des eaux centrale Rumonge, l'on informe qu'une descente sur le terrain y sera effectuée tout au début de la semaine prochaine pour voir ce qui peut être fait dans l'immédiat. Ces habitants comptent parmi ceux qui n'ont pas encore été déplacés par la montée des eaux du lac Tanganyika, des eaux qui ont déjà détruit 28 maisons dans cette localité. Jean-Pierre Misago, depuis Gisenyi à Rutumo, Radio Isanganiro. Et pour boucler l'actualité nationale, il s'observe un manque d'eau potable dans plusieurs localités de la colline Nerukana de la commune Rugombo. Les habitants de ces localités craignent les maladies des mains sales. Le conseiller de l'administrateur de la commune Rugombo, chargé des affaires administratives et sociales, tranquillise et promet que les travaux de réhabilitation de captage de Nyaruseke vont reprendre. Alexis Ndayagic. Les localités qui connaissent un manque d'eau potable sur la colline Rukana de la commune Ugombo sont surtout Binyangi, Gatoke, Mbazamidoua. Dans plusieurs coins de ces localités, les habitants indiquent qu'ils n'ont jamais eu de bonnes fontaines. Ils affirment que des fois, font plus de 5 km pour avoir un bidon de 20 litres d'eau potable à boire que le ménage utilise pendant toute la semaine. Certains ne se contentent que des eaux de la rivière Osezi, d'autres des eaux de marécage qu'ils partagent avec les vaches. Pour ces eaux de marécage, ces gens précise qu'il se réveille très tôt le matin pour puiser ses eaux avant qu'elles ne soient perturbées par les troupeaux. Il demande l'addiction en eau potable, surtout pour éviter les maladies de mains sales. Le conseil de l'administrateur de la commune Rugombo, chargé des affaires administratives et sociales, Firmin Aboumouremi, indique que le manque d'eau potable est une situation connue dans plusieurs localités de la commune Rugombo. Il précise bien que cette situation allait trouver solution n'eût été la démolition des travaux de réhabilitation du capital de Nyaruseke par les eaux des pluies diluviennes dans ces eaux pluvieuses écoulées. Firmin Aboumouremi tranquillise toute la population de la commune Ugombo et surtout des localités les plus touchées par son manque d'eau potable que les travaux de la réhabilitation du captage Nyaruseke vont reprendre après la visite du directeur général du FONIC sur ce captage. Son directeur général ayant accepté que le fonds va payer les travaux de l'entreprise de concession et a effectué et les travaux qui vont suivre selon toujours son conseiller. Ce dernier affirme même que l'ONG internationale CICR va disponibiliser des gros tuyaux pour la conduite de l'eau potable du captage de Nyaruseke jusqu'à Rugombo. L'UNICEF, quant à elle, ayant accepté également d'appuyer dans ses travaux, selon toujours son conseil chargé des affaires administratives et sociales en commune Rugombo. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et c'est sur ce site que vous nous suivez à Bamako comme à Washington. C'est l'actualité internationale. Les concertations nationales sur la transition s'achèvent ce samedi au Mali. Vendredi, la journée a été consacrée à des discussions sur la charte de la transition proposée par le comité d'experts désigné par la junte. Le document propose notamment une transition de 2 ans et un président de transition civile ou militaire. Ce sera à la junte de choisir. Et les débats ont été souvent houleux. Niger, le bilan des inondations s'alourdit dans la région d'Agadez. Près de 350 000 personnes ont été affectées par les pluies diluviennes dans le pays. Et c'est le cas notamment dans le nord, à 950 km de Niamey, où la région d'Agadez concentre près d'un tiers des sinistrés. La capitale du même nom a été fortement touchée, selon nos confrères de France 24. Les inondations au Sahel provoquées par des pluies diluviennes ont déjà fait plus de 200 morts et affecté plus d'1 million de personnes du Sénégal au Soudan. Et hors du continent africain, 28 000 pompiers sont mobilisés à travers 12 États américains. Les incendies ont fait des dizaines de morts et ravagé plus de 2 millions d'hectares. Les habitants ont dû évacuer en urgence. La Californie et l'Oregon sont les plus touchés. Rare bonne nouvelle, la météo devrait être plus favorable ce week-end. Et le gouvernement afghan et les talibans entament ce samedi 12 septembre à Doha des négociations de paix historique en présence du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les discussions s'annoncent laborieuses en raison des profondes divergences entre les deux belligérants. Ces pourparlers ont été retardés de 6 mois en raison de désaccords profonds sur un échange de prisonniers controversé entre rebelles et le gouvernement. Ils interviennent au lendemain du 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui ont entraîné l'intervention internationale menée par les États-Unis et ont chassé les talibans du pouvoir en Afghanistan. Il est 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés. Tout de suite, c'est la revue de presse. Nibel me rejoint dans son studio. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Jeu de passe-passe entre Gitega et Kigali, titre le journal Iwachu. Notre confrère parle de Gitega qui, pour renouer les relations diplomatiques avec son voisin du Nord, exige l'extradition des présumés putschistes de 2015 et des facilités pour des réfugiés vivant au Rwanda qui veulent rentrer. Cependant, écrit l'hebdomadaire, Kigali, à travers le président Paul Kagame, déplore que sa main tendue ait été ignorée. Selon Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministère burundais des Relations extérieures et citée par notre confrère, Gitega veut le rétablissement des relations avec le Rwanda. Iwachu trouve que chacun tire la couverture vers soi, expliquant qu'au cours des cérémonies de présentation du nouveau gouverneur de la province Kirundo, le 6 août dernier, le président Evariste Ndayishimiye avait indiqué que le Burundi n'a jamais agressé qui que ce soit. Nous voulons des amis, mais pas des amis hypocrites qui prétendent vous aimer alors qu'ils vous tendent des pièges, a-t-il déclaré. En réaction des acteurs politiques, Olivier Nkurunziza du parti Prona trouve que chaque personne fautive doit être extradée pour être jugée. Kefani Bidzi, du parti Frodebunyakuri, partant du rapatriement des réfugiés burundais se trouvant au Rwanda, parle d'un pas en avant. De son côté, Tassien Sibomana fustige qu'il faut plutôt saisir la balle au bon, tandis que le parti Sahwanya Frodebu considère que l'extradition des présumés auteurs du putsch manqué de 2015 est une question hautement politique, estime Fenias Nigaba de son parti cité par le journal Iwachu. Entre-temps, signale le journal Iwachu, le président congolais Félix Tshisekedi organise prochainement un sommet à Goma entre lui et les présidents du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et celui du Burundi. Le renouveau, écrit sur la rencontre de l'ombudsman burundais avec les acteurs judiciaires à tous les niveaux dans la province de Bururi, selon le gouverneur Leonidas Bandenzamaso, cité par le quotidien, plus de 90% des dossiers en justice sont des conflits fonciers. De son côté, l'ombudsman burundais fait remarquer que cette province judiciaire fait face à la corruption, la lenteur dans le traitement des dossiers, des magistrats qui se cachent derrière la magistrature, la mauvaise exécution des jugements et le manque de moyens de déplacement, constate Edouard Ndouimana dans les colonnes du Renouveau. Revue de la presse. Financement des coopératives collinaires, qui va rembourser ? S'interroge le journal Burundi Echo. Dans son éditorial, notre confrère rappelle que le mouvement coopératif date de la veille de l'indépendance du Burundi, puis a évolué. Désormais, fait remarquer l'éditorialiste, le mot d'ordre est lancé et toutes les populations doivent adhérer à des coopératives collinaires qui, chacune, doit bénéficier de 10 millions de francs burundais pour réaliser des projets de développement. Cependant, regrette cet hebdomadaire, des bénéficiaires considèrent ces fonds comme une manne à partager équitablement entre les coopérateurs au lieu d'initier des projets de développement. Burundi Echo. conclut que l'idée de création des coopératives communautaires n'est pas mauvaise en soi, mais, nuance-t-il, elle nécessite des mesures d'accompagnement. Le 8 septembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation des adultes. Cette journée est arrivée quelques jours après la décision du gouvernement burundais de supprimer le département de l'alphabétisation pour privilégier l'enseignement fondamental. Pourtant, fait remarquer la voix de l'enseignant, beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine d'alphabétisation. Cet hebdomadaire de l'éducation épouse l'avis des psychopédagogues et experts en alphabétisation qui estiment qu'au lieu de supprimer le service qui s'occupe de ce domaine, le gouvernement devrait plutôt le valoriser pour que tous les citoyens puissent avoir accès à l'information et au savoir suffisant leur permettant de s'auto-développer. Les agriculteurs de Gashikanwa et Ruhororo, satisfaits de la qualité de la fémure issue des latrines écologiques, écrit l'agence burundaise de presse. Ces latrines écologiques ont été vulgarisées par l'Organisation de défense de l'environnement et de développement durable, selon l'animatrice communautaire et agricultrice modèle qui s'est entretenue avec l'ABP. Ces latrines permettent de récupérer de la fémure humaine issue des matières fécales pour fertiliser les champs, se réjouit Vestine Nsabimana, qui précise que ce projet couvre plus de 12 000 ménages des deux communes. Kirundo, chute sensible du prix des tomates, écrit la Nova. La production des tomates en province Kirundo a augmenté. Une certaine quantité de ces légumes fruits s'achète entre 1 500 et 2 000 francs burundais au marché central de Kirundo. Ce journal La Ligne souligne que cette même quantité coûtait entre 7 000 et 8 000 francs burundais. Les acheteurs et le gouverneur de Kirundo se réjouissent de la disponibilité de ce produit en grande quantité, tandis que les agriculteurs déplorent le manque de marché d'écoulement des tomates et réclament des moyens de leur conservation, conclut la Nova sur sa page Facebook. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Elini Bel Nibigira et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.